tu la veux, fais le prix. Mia Ramsey, tu la veux, fais le prix. Mia Ramsey, plus le boule est gros, plus les balles sont grosses. Tu fumes comme un ouf, ça prend parano. À tel point que tu doutes sur le frère Walano. Je traverse les époques, Highlander, Booba. Pour elle, les mecs sont tous les mêmes. La fille, elle est classe, mais lui il aime les jolis garçons. Ne mets pas de glaçons dans mon verre, ça prend de la place pour rien mon frère. Le cul posé sur le trône de fer, je regarde les écuyers. Tu vises la tête, mais le flingue s'enraye. C'était ton frère, c'était ton rey. Oh my god, c'est dingue, la force du blé. Je sors de Féfé pour acheter du lait. Ce genre de vie, ce genre de style, j'arrive en paix, je repars en jet. Le fisc me les casse, mets l'oseille dans les vases. Le fisc me les casse, fais de moi à moi les casse. Allongé dans les vignes, rabattre dans le vide. Je suis partout, le drapeau de Jésus. Ne mets pas de glaçons dans mon verre, ça prend de la place pour rien mon frère. Le cul posé sur le trône de fer, je regarde les écuyers. Merci et poule, rajoute un autre. Mon verre est vide, serre-moi un autre. Tu la veux, fais le prix. Mia Ramsey, tu la veux, fais le prix. Mia Ramsey.